Nous sommes le 4 avril 2022. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce samedi. Voici les titres. La communauté musulmane du Burundi s'est jointe aux autres du monde pour le jeûne du mois sacré de Ramadan. Et le commissariat général de migration appelle la population des provinces d'utiliser les guichets uniques provinciaux implantés dans 10 provinces comme à Muyinga et à Makamba. Et à Changuzo, il s'observe des nids de poules dans les rues qui traversent le chef-lieu de la province de Changuzo. Les routes qui lient le chef-lieu de Changuzo, commune de Chindadou, Mishiha et Gisagara sont endommagés par les eaux de ruissellement suite au manque de canalisation. Vous l'entendrez dans ce journal. La présentation, vous êtes avec Ornella Mucho. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rubrique religion pour débuter ce journal. La communauté musulmane du Burundi s'est jointe aux autres du monde pour le jeûne du mois sacré de Ramadan. Le jeûne qui a commencé ce samedi. Michel Ramadan, conseiller principal du représentant légal de la communauté islamique du Burundi, Komibou, précise que ce jeûne du mois de Ramadan constitue un des 5 piliers de l'islam. Selon lui, c'est une occasion pour les fidèles musulmans de s'approcher à Dieu. Je vous propose de le suivre au micro de Moïse Misago. Le mois de Ramadan, ça dit s'abstenir. Le mois de Ramadan, c'est un mois sacré pour le musulman. Là où tout musulman au monde doit s'approcher à Allah et surtout de ne pas se mêler à des mots, mais plutôt à se mêler à de bien. Parmi les piliers de l'islam, il y a aussi le mois de Ramadan. Nous avons 5 piliers. Parmi les 5, il y a un qui est le mois de Ramadan. Comme on l'appelle le mois sacré, c'est le mois là où il faut s'approcher à Allah et c'est le mois là où il faut se donner des pardons. Et ce n'est pas un pardon qui sera seulement aujourd'hui, mais plutôt c'est un pardon qui doit durer toute la vie d'une personne, surtout de la communauté musulmane. Pas seulement la communauté musulmane, tout le monde doit avoir seulement les clins d'œil pour copier les biens et non pas copier les mal. L'appel que je lance aux musulmans burundais et surtout pendant ce mois de Ramadan, qu'ils amènent le développement dans notre pays, qu'ils soient les gens-là qui vont se mettre à amener la paix dans notre pays, comme ils l'ont toujours fait, et surtout ceux qui vont avoir quoi mettre sous la dent, qu'ils cherchent à s'approcher aux autres pour qu'ils partagent ensemble ce qu'ils ont eu. Rubrique société à présent, le commissariat général des migrations appelle la population des provinces d'utiliser des guichets uniques provinciaux implantés dans 10 provinces comme à Muyinga et à Makamba. Le commissaire général des migrations a lancé cet appel lundi de cette semaine lors d'un point de presse. Général-major de police Maurice Mbonima a précisé que dans les provinces, les opérations sont plus rapides où elles prennent une semaine pour avoir le document. Je vous propose de le suivre. Nous avons toujours informé à la population qu'il y a des guichets uniques provinciaux. Les guichets uniques provinciaux se trouvent dans 10 provinces. Il y a Chibitoke, Bubanza, Muyinga, Mwaro, Butana, Makamba, Ngozi, au total 10 provinces. C'est-à-dire que dans les 10 provinces, les gens se présentent, ils payent dans les banques, dans la place. Et puis, leurs dossiers sont transmis directement ici et on fabrique les documents de voyage et on les envoie là-bas. Mais malheureusement, nous remarquons que ces guichets uniques provinciaux sont presque vides. Les gens ne s'intéressent pas à aller se faire inscrire là-bas. Ce que nous pouvons dire, c'est de continuer à sensibiliser cette population pour qu'elle puisse aller dans ces bureaux au niveau des provinces pour demander leurs documents de voyage. Les gens pensent qu'au commissariat central, peut-être qu'ils peuvent avoir le document facilement, mais ce n'est pas le cas. Puisque ici, quand ils viennent nombreux ici, on va prendre beaucoup de temps pour faire les dossiers. Alors qu'à l'intérieur du pays, si 10 personnes se présentent, le même jour, c'est-à-dire que le dossier est complet. Moins d'une semaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir les documents sans problème. Page santé à présent, une méconnaissance sur les maladies mentales s'observe au Burundi où plus de 7% des personnes enquêtées dans 4 provinces sur l'intégration de la santé mentale dans les services de santé primaire estiment que ces maladies sont transmissibles par simple contact, partage de repas et conversation avec les malades mentaux. Alain Joseph Atungimana, secrétaire exécutif de l'association psychologue et ses vacances, l'a expliqué ce mercredi lors d'une conférence de presse. Il appelle à un changement de regard sur ces maladies au profit des malades. Suivez Alain Joseph Atungimana. Nous avons une référence de l'étude de base d'une enquête pour l'intégration de la santé mentale dans les services de santé primaire qui a été exercée dans les provinces de Bujumbura, Mairie, Gitega, Ngozi et Lubonge, où les résultats montrent que les mauvaises connaissances sur les maladies mentales existent. Dans cette étude, les résultats montrent que 7,5% des personnes qui ont été enquêtées estimaient qu'il est possible d'attraper une maladie mentale en saluant, en échangeant verbalement ou en partageant le repas avec un malade mental. Et qu'en présence d'une maladie mentale, 20,5% estimaient qu'il faut conduire le malade dans un milieu de prière. À côté de cela, certaines personnes disaient qu'ils devraient adopter un comportement discriminatoire à l'égard des personnes souffrant d'une maladie mentale. 7,3% pensaient qu'il faut le mettre à l'écart et 4,8% vont le ligoter ou l'enfermer. Alors, dans l'ensemble, vous comprenez qu'au Burundi, la méconnaissance de ces maladies, les troubles mentaux en général, c'est craignant. Changer le regard que nous portons sur les maladies mentales n'est plus une option, mais une obligation. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro, rendons-nous à Maramvia. Les parents qui ont des petits-enfants dans le site de déplacer ce bel en zone Maramvia de la province Bujumbura demandent aux bienfaiteurs de les aider à nourrir leurs enfants déjà atteints de malnutrition. Pour la plupart, le centre Baro Kibondo qui avait pris cette initiative ne supporte que 50 enfants seulement. La représentante divine Humana fait savoir que cependant, les stocks sont presque vides et qu'ils ne voient pas quoi nourrir ses enfants dans les prochains jours à venir. Space Caritas Kabanyana. Ces parents qui sont hébergés au site Sobed situé en zone Maranvia de la commune Mutimbuzi depuis 2 ans disent qu'ils sont confrontés aux difficultés de pouvoir trouver à manger, surtout de quoi nourrir leurs enfants qui sont déjà dans une situation de malnutrition. Comme ils nous l'ont signalé ce vendredi, ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide, surtout en ce qui est de la nutrition des enfants menacés plus que les adultes, comme ils le disent. Au niveau du centre Baho Kibondo, qui a commencé à assister les enfants mal nourris depuis 2020 dans son site, on explique que le centre a pris en charge seulement 50 enfants au site Sobel et 80 autres au site Kinyinya pour les nourrir d'une alimentation équilibrée 2 à 3 jours par semaine, mais aussi une formation aux parents pour apprendre comment bien nourrir leurs enfants une fois qu'ils ont de quoi les nourrir. Divine Abimana, représentante légale du centre Baho Kibondo, fait savoir cependant que les stocks sont presque vides et qu'il reste seulement une petite quantité de soja et de maïs, et que s'il n'y a pas d'assistance extérieure, ils vont avoir des problèmes de nourrir ses enfants dans les prochains jours. Ce vendredi, le Fonds des Nations Unies pour la population FINUAP a remis à certaines femmes de ce site une assistance composée d'habits, savons, huiles et autres dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Space Caritas Kabanyana, en zone Maramvia, commune Mutimbuzi, pour la radio Isanganiro. Rendons-nous à présent à Changuzo et s'observe de nids de poules dans les rues qui traversent le chef-lieu de la province Changuzo. Les routes liant le chef-lieu de Changuzo, commune de Chindajuru, Mishiha et Gisagara sont endommagées par les eaux de ruissellement. Suite au manque de canalisation, les chauffeurs de véhicules se plaignent à grand que leurs voitures s'usent. Le gouverneur de la province Changuzo avoue que les communes sont confrontées au manque de moyens pour réhabiliter les routes. Il demande à l'agence routière du Burundi de planifier les travaux de réhabilitation des routes nationales à Changuzo. Le point avec Raymond Mudende. Ces plaintes des tenanciers de véhicules et de la population de Changuzo en général sont dites aux routes en mauvais état, difficilement praticables en cette période pluvieuse. En effet, même au chef-lieu, des avenues qui traversent le centre sont en mauvais état. Il s'observe des nids de poules partout, des étendues, surtout en cette période pluvieuse. Cela est dit selon la population du chef-lieu du manque de routes macadamisées à l'intérieur de cette province de Changuzo. Des nids de poules, des cailloux dispersés ici et là ne cessent d'endommager les voitures selon les chauffeurs. Le gouverneur de la province de Changuzo, Boniface Banyezako, affirme lui aussi que le mauvais état des routes à Changuzo est à l'origine de l'endommagement des véhicules. Selon lui, ces routes non macadamisées sont momentanément détruites par la pluie, d'où la réparation s'impose. Mais dit-il, cette réparation a des limites, d'autant plus que ces routes nationales exigent un montant colossal que les communes ne peuvent pas disposer. L'urgence, selon cette autorité, est que l'agence routière du Burundi devrait planifier les travaux de réhabilitation des routes nationales à Changuzo, dont la construction date d'il y a plus de 30 ans. Et la population de Changuzo trouve que cette province ne peut pas se développer comme les autres sans route asphaltée. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Mudende. Les femmes, les filles sont capables de bien exercer leur métier, jadis réservé aux seuls hommes, comme le témoigne Sandrine Mugnana, une conductrice d'un compacteur à l'entreprise de construction des routes Sogea Satom. Dans un débat organisé par Yaga ce vendredi à Lumongue, cette employée de Sogea Satom conseille les jeunes filles à briser les préjugés et à apprendre à exercer tous les métiers afin de les aider à se développer. Le point avec Jean-Pierre Misago. Quand j'ai commencé à conduire les engins comme les compacteurs, les autres femmes et filles ne me comprenaient pas. Mais certaines ont fini par me rejoindre, dit Francine Mugnana, une conductrice d'un compacteur à l'entreprise de construction routière Sogea Satom. Cet employé de Sogea Satom appelle les autres filles et femmes à apprendre et exercer tous les métiers pouvant les aider à être économiquement indépendantes, tout en développant leur pays. Francine Mugnana dit ne pas être prête à accepter la main de quelqu'un qui poserait comme préalable l'abandon de son métier sans lui en trouver un autre. Francine Mugnana dit qu'elle est embauchée à Sogea Satom depuis 2009, mais qu'elle est conductrice d'un compacteur depuis 2012. Elle a été rejointe par deux autres femmes et elle dit que depuis lors, elle n'a jamais interrompu le travail où elle dit être trop appréciée. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Actualité sportive avant de mettre fin à ce journal. Les matchs comptant pour le quart de finale du championnat de la Coupe du Président édition 2022 vont démarrer ce samedi à 15h au stade se trouvant à l'intérieur du pays. Au stade de Vidigiro de Lumonge, la formation Les Crocos va accueillir Buja City de Bujumbura. Au stade Rumuri de Ruyigi, Aigle Noir de Makamba va croiser le fer avec la formation Policia de Rukindo. Ces équipes se sont affrontées dans la finale de 2019. Et son match s'est soldé sur le score de 3 buts à 1 faveur d'Aigle Noir. Demain, Bumamuru, tenant du titre avec la formation militaire de Burundi, Sport Dynamique, est le match le plus attendu par les amateurs de ballon du Baron. Ron sera livré au stade Ingoma de Gitega entre les deux équipes de cette ville, à savoir Musongati et Flambeau du Centre. Et c'est pas ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. La présentation, vous étiez avec Ornella Moutro et dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir. Destitution en cascade des administrateurs communaux, fait remarquer le journal Burundi Echo, qui rappelle qu'au moins 3 administrateurs communaux ont été suspendus de leurs fonctions depuis le début de l'année 2022. Ceux des communes Nyabihanga dans la province de Mwaro, de Vugizo dans la province de Makamba et le cas le plus récent de Guiteranyi dans la province de Muyinga. La plupart d'entre eux sont suspendus pour insubordination, abus de pouvoir et manque d'éthique en matière de gestion du patrimoine communal, souligne son confrère. Selon Dr Alexis Manirakiza, professeur à l'Université du Burundi, interrogé par cet hebdomadaire, le niveau de formation n'est pas toujours le gage de la compétence, mais des études ont montré que la commune fonctionnait mieux là où l'administrateur communal avait un niveau élevé, diplôme universitaire, par rapport à l'administrateur qui avait un diplôme du niveau inférieur, humanité générale. Lors de la séance des questions orales avec les députés, le 24 février, 2022, Gervais Ndirakobucha, ministre en charge du développement communautaire, a révélé que dans la loi communale en préparation, écrit toujours Burundi Echo, les administrateurs ne doivent pas faire partie des conseils communaux. Selon lui, il a été constaté qu'ils font pression sur certains membres du conseil communal quand arrive le moment fatidique de prise de décision. Cette fois, le conseil communal va le convoquer pour justification, conclut cet hebdomadaire socio-économique. Les enseignants dans les départements de journalisme, audiovisuel et masse médias de l'Université du Burundi, Université Lumière et Université du lac Tanganyika suivent depuis le 28 mars 2022 une formation des formateurs sur la vérification des fake news, rapporte la voix de l'enseignant. Béatrice Quintin, formatrice de l'École supérieure de journalisme de Lille, définit dans les colonnes de son confrère une fake news, fausse nouvelle ou infox, comme une fausse information, une rumeur, une image ou vidéo falsifiée, manipulée, relayée sur des médias non officiels tels que les blogs, réseaux sociaux, vidéos YouTube, elle n'est pas vérifiée en temps réel. Elle indique qu'il existe différents outils et techniques pour vérifier ces informations afin de donner une information crédible pour les lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. Il faut pour cela avoir un esprit critique sur ce qui est publié sur Internet. Face à une information, poursuit cet hebdomadaire de l'éducation, posez-vous ces questions. Qui a écrit l'article? Pourquoi? Quel est le but du site? Est-ce un site commercial, personnel, associatif, d'un organisme gouvernemental, d'un mouvement politique? De quand date cet article? Les sources sont-elles citées? Ces sources sont-elles fiables? Quelle est la légitimité de l'auteur? Revue de la presse. Une cinquantaine de dossiers de demande de divorce au tribunal de résidence de Rumonge depuis l'année 2020 révèle le journal Iwachu. L'infidélité, la polygamie, l'adultère, la polyandrie, les violences sexuelles et économiques sont les principales causes de cette situation. Une activiste des droits des enfants, rencontrée par son confrère dans la ville, regrette que le conseil de famille ait démissionné car le conseil de famille doit se réunir et écouter celle ou celui qui veut divorcer afin de prodiguer des conseils dans l'optique de consolider leur foyer. Elle fait remarquer que lorsque le divorce est prononcé par le tribunal, les conséquences frappent en premier lieu les enfants qui avaient encore besoin de l'amour et de l'encadrement des parents. Les femmes et filles de Kayanza appelées à apprendre tous les métiers, titre l'agence burundaise de presse. Ce quotidien écrit qu'il n'y a plus de métiers qu'elles ne peuvent pas exercer, tel que le dit Yvonne Ngabireyimana, mécanicienne opérant en commune et province Kayanza. Cette jeune fille qui fait la mécanique automobile au centre urbain de Kayanza depuis 5 mois témoigne qu'elle ne s'est pas résolu de faire les métiers couramment pratiqués par les femmes, comme la couture, du fait qu'elle est convaincue qu'il n'y a pas de métier que la fille ne puisse exercer. Enfin, Net Presse rapporte que l'ancien président de la République, Domitien Ndayizeye, a été élu président du groupe des sages de l'Union africaine alors qu'il participait à la réunion inaugurale du 5e groupe des sages de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Ce groupe est composé par 5 membres, dont Domitien Ndayizeye, nommé sur proposition du gouvernement du Burundi pour un mandat de 3 ans, précise son confrère en ligne. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndeokoubgayo et Jean Bosco Ndouimana. À la prochaine. Revue de la presse.